Hebräer 9 erstmal. Hebräer 9. On va lire d'abord Hébreu 9. Praise the Lord. From verse 15. Hebräer 9, Vers 15. Hébreu 9, verset 15. Praise the Lord. Hallelujah. And for this cause he is the mediator of the New Testament, that by means of death, for the redemption of the transgressions that were under the first testament, they which are called might receive the promise of eternal inheritance. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Verse 16. 16. For where a testament is, there must also of necessity be the death of the testator. Amen. Praise the Lord. Until there's a death, the testament is not valid. Erst wenn der Tod eintrifft, dann ist das Testament gültig. Donc on voit ici que c'est seulement après ta mort que un testament est valide. The Old Testament was the blood of animals. Im Alten Testament ging es um das Blut von Tieren. Donc dans l'Ancien Testament, il s'agissait du sang d'un animal. The New Testament is God's blood. Im Neuen Testament ist es Gottes Blut. Mais dans le Nouveau Testament, il s'agit du sang de Dieu. Praise Daniel. The Lord. Hallelujah. Verse 17. Verse 17. For a testament is of force after men are dead. Otherwise, it is of no strength at all, while the testator liveth. Praise the Lord. We should be grateful for the death of Christ. Wir sollten dankbar sein für den Tod von Christus Jesus. Das ist ein Erfolg. Donc on doit vraiment avoir être reconnaissant à cause du sang de Jésus-Christ et sa mort. Praise the Lord. Hallelujah. It's telling us to rejoice. Es sagt uns, dass wir uns freuen sollen. Donc ça nous fait voir qu'on doit vraiment se réjouir. And that's why we can inherit everything that belongs to him. Und deswegen können wir alles erben, was ihm gehört. Et c'est pour cela on doit vraiment on va toujours erben, c'est ça? Hériter ce qui lui appartient. And you remember, that's why Jesus says, it's better for you that I live. You remember John 16. It's better for you that I live. If not, inheritors, praise the Lord. Es ist besser für euch, dass ich gehe, weil sonst wird dieses Erbe nicht eintreten. Et c'est pour cela l'Éternel nous a toujours dit que il a dit que c'est vraiment mieux pour lui s'il s'en va, parce que sinon on va pas obtenir cet héritage. Praise the Lord. Hallelujah. You know when somebody dies, jemand stirbt, it is the blood that stop working. Das ist das Blut, was aufhört zu funktionieren. Donc si quelqu'un meurt, c'est le sang qui arrête de circuler. It is like shedding the blood. C'est so wie das Blut vergießen. C'est comme si tu es en train de couler le sang. It means the blood had been shed. Yes, das Blut wurde vergossen. Donc le sang a été coulé. Is somebody getting it? In verse 18. A coulé. It says, whereupon neither the first testament was dedicated without blood. Animal's blood. Are you getting it? Blut von Tieren. Voilà pourquoi même la première alliance n'a pas été inaugurée sans effusion de sang. Donc ils avaient utilisé le sang des animaux. Animal's blood, human's blood, then God's blood. Das Blut von blood. Tieren, von Menschen und von Gott. Donc il s'agit toujours du sang, le sang de l'animal, un sang d'un être humain et maintenant le sang de Dieu. Verse 19. Verse 19. For when Moses has spoken every precept to all the people according to the law, he took the blood of calves and of goats with water and scarlet wool and hyssop and sprinkled both the book and all the people, saying, this is the blood of the testament which God hath enjoined unto you. Moreover, he sprinkled with blood both the tabernacle and all the vessels of the ministry. You can see why the blood is very important for us today. The blood of Christ cleans everything. Purge everything. And the animal's blood is talking about here. Using it to clean things. How much more the blood of God's blood for us. Donc tu peux voir que avant même il s'agissait toujours le sang du sang, même le sang de l'animal a fait avait aidé ou bien ça avait soutenu les gens à de vivre dans la justice, mais à combien plus forte raison le sang de Jésus-Christ qu'il a coulé pour nous aujourd'hui. Donc on doit vraiment le comprendre ce passage. Verset 22. And almost all things are by the law purged with blood. And without shedding of blood is no remission. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. The Bible is our inheritance. La Bible est notre erbe. La Bible est notre héritage. Everything of Christ are our inheritance. Alles von Christus ist unser Erbe. Tout ce qui vient du Christ est notre héritage. The kingdom of heaven is our inheritance. Das Königreich von Christus ist unser Erbe. Le royaume des cieux est notre héritage. Go to Hebrews 6. Hébreux 6. Hébreux 6. Praise the Lord. Hallelujah. Hebrews 6. Verse 12. Hébreux 6, verset 12. We'll see what is there. Amen. Susie, can you help us to this chat? Damit ihr ja nicht träge werdet, sondern Nachfolger derer, die Glauben und Geduld verheißenen Erben. That you be not slothful, but followers of them which through faith and patience inherit the promises. Amen. En sorte que vous ne vous relâchiez point, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, entrent dans l'héritage promis. You never work to have inheritance. Man arbeitet nicht für ein Erbe. Nous, on ne travaille pas pour avoir. Aucune personne ne travaille pour obtenir un héritage. Amen. Somebody work for it, but not you that is going to receive it. Jemand hat dafür gearbeitet, aber nicht du, der das empfangen wird. Oui, quelqu'un un héritage, c'est toujours comme ça que quelqu'un a travaillé pour ça, mais toi, tu vas le mériter, tu vas l'obtenir. Praise the Lord. Amen. Amen. Obtenir. No wonder he said, I work, you enjoy. Kein Wunder, dass er gesagt hat, dass er arbeitet und wir es genießen sollen. Et c'est pour cela il dit que c'est lui il travaille et nous on va le savourer. Remember that song, minimum, maximum. Are you getting it? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Just believe him and everything belongs to you. Glaubt ihn, dass er das, was er gesagt hat, auch meint. Genauso wie in dem Song, wenig Aufwand, aber voller Genuss. Donc, on doit vraiment le croire quand il dit qu'on a par exemple un son qui dit qu'on n'aura pas des efforts parce que c'est lui qui a travaillé, mais on va le savourer parce que c'est lui qui nous donne cet héritage. The kingdom of heaven is our inheritance. Das Königreich Gottes ist unser Erbe. Le royaume des cieux est notre héritage. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Matthieu 25, verset 34. Matthieu 25, verset 34. He said, then shall the king say unto them on the right hand, come, you blessed of my father, inherit the kingdom prepared. The kingdom of heaven is our inheritance. Das Königreich des Himmels ist unser Erbe. Donc le royaume des cieux est notre héritage. Inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. We have our inheritance right now. Wir haben jetzt schon unser Erbe. Déjà maintenant, on a notre héritage. Because we are already in the kingdom of heaven. Weil wir uns bereits im Königreich Gottes befinden. Parce qu'on se trouve dans le royaume des cieux. We are not going to have it. We have it. Wir werden es nicht erhalten, aber wir haben es schon. C'est pas qu'on aura un héritage, on a déjà notre héritage. Praise the Lord. Alleluia. Before the payment, which is the coming of Christ, before he came here to pay the price, then we are going to receive it. We are going to have it. Vor dem Kommen von Christus, bevor er sein vollkommenes Werk vollbracht hat, war es erstmal eine Sache, die in der Zukunft liegt, die wir noch bekommen werden. Amen. Donc avant que Jésus-Christ puisse venir, c'était il nous dit on voyait que cette promesse allait se réaliser, c'est quelque chose qui allait venir dans le futur. And that's why Matthew 4 verse 17. Go to Matthew 4 verse 17, please. Mais Matthieu 4 verset 17. Et c'est pour cela dans Matthieu 4 verset 17, on va y aller. At the beginning of Jesus' ministry. Dans le commencement. Da hat Jesus seinen Dienst begonnen. Et là, Jésus-Christ a commencé son ministère. Amen. Amen. He's preaching. Look at it. From that time, Jesus began to preach and to say, "Repent, for the kingdom of heaven is at hand." It's about to come, and now it's not about to come. We are living in it. Amen. Er sagt hier zu Buße, denn das Reich des Himmels ist nahe herbeigekommen. Aber jetzt ist das Reich der Himmel schon da. Donc là, il disait que repentez-vous parce que le royaume des cieux est proche. Mais maintenant, on vit déjà dans ce proche parce que c'est déjà arrivé maintenant. Amen. We have our inheritance now. Wir haben jetzt schon unser Erbe. On a déjà notre héritage. We are living in it. Und wir leben in unserer Erbschaft. Et on y vit. Heaven starts from here. Der Himmel beginnt hier. Le royaume des cieux commence ici. And not until you die, what Mark called it. Und nicht erst, wenn du stirbst, das, was der Mensch als Tod erachtet. Le royaume des cieux ne commence pas au futur, ou bien comme les gens de ce monde pensent. Living under Christ's grace. Après la mort. Is living in heaven. Unter der Gnade von Christus zu leben bedeutet im Himmelreich zu leben. Quand tu vis sous la grâce de l'Éternel, ça signifie que tu vis déjà dans son au royaume des cieux. Learn to be there always. Und lerne immer dich immer dort aufzufinden. Et c'est pour cela on doit apprendre à toujours y vivre. Ha! Learn to remember his finished work always. Wie? Indem du lernst, dich immer an sein vollkommenes Werk zu erinnern. Comment? C'est quand on est en train d'apprendre à toujours vivre dans son œuvre accomplie. Know when you are out. Und wisse, wann du dich außerhalb des Königreichs befindest. Et tu dois savoir quand tu es en dehors du royaume des cieux. Because you can come in and even go out. Denn du kannst dich im Königreich befinden, kannst aber auch wieder rausgehen. Parce que tu peux entrer dans le royaume des cieux, mais tu peux aussi sortir du royaume des Amen. Cieux. Amen. If you are occupied with fear, you are out. Wenn deine Gedanken voll sind mit Angst, dann bist du raus. Si tes pensées sont vraiment pleines de la peur, là tu es déjà sorti, tu es déjà en dehors. Amen. If you don't see yourself, you are out. You better return there. Oder wenn du dein Selbst bist, dann bist du außerhalb des Königreichs Gottes und du solltest schnell wieder zurückkehren. Ou bien si tu vois le soi, là tu es déjà en dehors du royaume des cieux. Again, you can be in and you can be out. Nochmal, du kannst Ephesians 4. Wir lesen Epheser 4. Donc tu peux être dans le royaume des cieux, tu peux aussi sortir du royaume des cieux. On va lire Ephésiens 8. Praise the Lord. Concerning the former conversation, the old man, which is corrupt according to the deceitful lust. And be ye renewed in your spirit, in the spirit of your mind. And that you put on the new man. You can put on heaven and you can pull him off. Du kannst den Himmel anziehen und den Himmel ausziehen. Donc, in DC, verset 22 et 23, on peut porter le nouvel homme et puis on peut aussi se déshabiller, donc enlever le vieil homme. Donc, tu peux toujours, entrer dans le royaume des cieux et y sortir. Again, Ephesians 4, verse 24. Ephésiens 4, verset 20. And that you put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness, put on heaven. Den Himmel anziehen. Il a dit, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté véritable. Donc, revêtis-toi de nouvel homme. Allow Jesus to put you on. Lass was Jesus dich anzieht. Donc tu dois vouloir que Jésus-Christ te porte. He must, he is to wear you. Er muss dich anziehen. C'est lui qui doit te porter. Amen. Mm. You are his body. Du bist sein Körper. Toi, tu es ton sang. Is somebody getting it? Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. please choose to put on the new man. Bitte entscheide, den neuen Menschen anzuziehen. Donc décide-toi de porter l'homme nouveau. Amen. The new man means live under grace. Der neue Mensch lebt unter der Gnade. Le nouvel homme, lui, il vit sous la grâce. The old man means you are living under the law. Der alte Mensch bedeutet, dass du unter dem Gesetz lebst. Et l'homme ancien, lui, il vit dans la loi. Amen. Let us stop doing things under law. Lass uns aufhören, Dinge im Gesetz zu tun. Et c'est pour cela on doit arrêter de faire les choses. Amen. Sous la loi. Amen. Speaking in tongues. In fremden Zungen zu beten. Ou bien parler en langue. Amen. Under law. Unter dem Gesetz. Sous la loi. Singing praises under law. Lobpreis zu singen im Gesetz. Ou bien faire prier ou bien chanter sous la loi. No, give it thanks under law. Danksagung geben im Gesetz. Ou bien remercier l'Éternel, être reconnaissant, mais sous la loi. If you read the Bible under law. Darfst die Bibel lesen im Gesetz. Ou bien même lire la Bible sous la loi. Remember, we were in 1 Corinthians 13 some days ago. Let's go back there. 1 Corinthians 13. 1 Corinthians 13. Praise the Lord. 1 Corinthians 13. 1 Corinthians 13. 1 Corinthians 13. Here talks about law. Hier geht es doing things under law. Das Gesetz, Dinge im Gesetz tun. Ici, il parle de la loi. Faire les choses selon la loi. Though I speak with the tongues of men and of angels, I have not charity. I have become a sandy brass or a tinkling cymbal. Verse 2. Merci Dieu. And though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith so that I could remove mountains, I have not under law. Amen. If you are under law, if it is all about you, and donc, si tu es sous la loi et il s'agit que de toi et pas du Christ. If you are the doer, not Christ the doer. Wenn du der Macher bist, nicht Christus. Si c'est toi la personne qui fait tout et pas le Christ. I am nothing. Bin ich nichts. Donc on est rien. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, I have no charity. Profit me nothing. Under law is death. Unter dem Gesetz ist es tot. Donc peu importe ce que tu fais sous la loi, tu es mort. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. People speak in tongues. Selbst das in fremden Zungen sprechen. Même quand on parle en langue. Jesus said you are just making noise. Jesus sagt, du machst einfach nur Lärm. Jésus-Christ dit que tu fais que du bruit. You must learn how to pray under grace and not under law. Du musst lernen, wie wir unter der Gnade beten und nicht unter dem Gesetz. Et tu dois apprendre comment vivre sous la grâce et pas sous la loi. The old was under law. Im alten Ding it was acceptable because that was the period. Es war akzeptabel, weil es die Zeit war. Donc dans l'ancien c'était acceptable parce que c'était oui, c'était l'ancien convenant. But not this period. Aber nicht diese Zeit. Mais pas dans le nouveau convenant. Somebody getting it. Praise the Lord. Hallelujah. You must learn how to pray under grace and not under law. Zu beten unter der Gnade, nicht unter dem Gesetz. Donc tu dois apprendre à prier sous la grâce et pas sous la loi. We have all been taught how to pray under law. Uns wurde allen beigebracht, wie wir unter dem Gesetz beten durch Religion. Donc on nous a appris, on nous a tous appris comment vivre, oui, sous la comment prier sous la loi. It has been, oh God, come and do it. You must do it. You are going to do it. You'll be there for me. You must give it to me. You know, it's begging. It's begging, begging, and begging as a servant. A song never begged. Es war ein ständiges Betteln, ne? Es ist ein ständiges den Herrn darum bitten, etwas zu tun, ein ständiges den Herrn um Gnade oder um Mitleid anflehen, Dinge zu machen, einem zu helfen. Man hat als Knecht gebetet, aber nicht als Sohn. Donc on a toujours prié comme des serviteurs, toujours en train de supplier, de mendier, mais c'était jamais sous la grâce, c'était toujours la loi quand tu pries comme ça. Some people go into fasting, they are sacrifice so that to move in. Andere sind sogar ins Fasten gegangen. Die eigene, not nur die eigene He's hearing you, you are the one not hearing him. Aber er ist nicht taub, du, er hört dich, aber du bist derjenige, der ihn eben nicht hört. Donc les gens, autres personnes commencent même à faire des sacrifices même pour écouter sa voix, mais lui il t'écoute parce qu'il pense que c'est comme ça qu'il écoute sa voix. Non, mais lui il écoute toujours ta voix, mais c'est toi qui ne l'écoutes pas. On Wednesday we learn a little bit about prayer. Mittwoch haben wir etwas über das Gebet gelernt. Et c'est mercredi on avait parlé de la prière. I said, so you do not pray to be blessed. Als ein Sohn betest du nicht gesegnet zu werden. Étant un fils, tu ne pries pas d'être béni. What belongs to the father belongs to the son. Was dem Vater gehört, gehört auch dem Sohn. Tout ce qui appartient au fils, au père appartient aussi au fils. Praise the Lord. Hallelujah. As a son, you are here, but not of here. The son of hier, God. Aber nicht von hier. Étant un fils, tu es d'ici, mais pas tu es ici, mais pas d'ici. It means you are of heaven. Du bist vom Himmel. Ça signifie que tu es du royaume. Is it that earth or heaven? Erde oder Himmel? C'est toujours où ce monde ou le royaume des cieux. And everyone wants to be in heaven. Jeder will im Himmel sein. Tout le monde veut être au royaume des cieux. Amen. And people think until you die you can never be there. But Jesus said I brought it here. Aber Jesus gesagt, ich habe es hingebracht. Il y a des gens qui pensent que si tu ne meurs pas, tu peux jamais être dans le royaume des cieux. Tu es toujours dans le royaume des cieux quand après ta mort. Non, mais Jésus-Christ a dit que non, j'ai emmené le royaume des cieux ici déjà. Are you getting it? Don't heaven requires death. It requires it. Because you are to be dead to this world. Are you getting it? And this world, the world system, the world is to be dead to you. It requires that, but not what they call death. Im Himmel zu sein fordert den Tod. Du musst sozusagen tot sein, bevor du im Himmel bist. Aber es fordert nicht die Art von Tod, die diese Welt kennt, sondern du musst tot sein zu deinem Fleisch, zu deinem Selbst. Donc pour le royaume des cieux, il veut que tu puisses être, tu puisses que tu meurs, non? Donc pour entrer dans le royaume des cieux, tu dois mourir, mais pas la mort physique comme le monde ou la religion pense. Non, c'est un autre sorte de mort. C'est ta chair, c'est l'ancien homme qui doit mourir et pas une mort physique. You know, I've heard a musician, he sang a song that people want to go to heaven, but they don't want to die. Now Jesus said, I came, I brought heaven without even death. What man called it? Es gibt ein Lied von einem Sänger, der sagt, jeder will in den Himmel, aber niemand will sterben. Aber Jesus Christus ist gekommen, hat den Himmel gebracht und es fordert nicht die Art von Tod, die diese Welt kennt. Il y a un musicien qui disait que ben, je veux aller au royaume des cieux et c'est pour ça que je veux mourir, mais l'éternel Jésus-Christ... Tout le monde veut partir au royaume des cieux, mais personne ne veut mourir. Hein? Tout le monde veut partir au royaume des cieux, mais personne ne veut mourir. Mais Jésus-Christ, lui, il est venu ici, il nous a emmené le royaume des cieux ici sur terre. No lack in heaven. Kein Mangel im Himmel. Il n'y a pas de manque au royaume des cieux. No poverty in heaven. Keine Armut im Himmel. Il n'y a pas de pauvreté au royaume des cieux. Amen. Amen. Until you leave heaven, you never see yourself lack anything. Erst wenn du erkennst, until you are out of heaven, you never see yourself lack. In lack. Außerhalb des Himmels, wenn du dich außerhalb des Himmels siehst, dann siehst du dich auch im Mangel. Donc c'est quand toi tu te trouves en dehors du royaume des cieux, c'est là que tu as une manque. Walk in the spirit. Wandle im Geist. Et c'est pour cela que c'est vraiment nécessaire de marcher dans la grâce, dans l'esprit. Amen. I love what Paul said. Look at 2 Corinthians. 2 Corinthiens. On va lire 2 Corinthiens. Praise the Lord. Hallelujah. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Praise the Lord. Hallelujah. Let's just cut it short. Verse 7. 4, verse 7. 5. Vers 7. 2 Corinthiens 5, vers 7. 2 Corinthiens 5, verset 7. For we walk by faith and not by sight. Then in verse chapter 4 of 2 Corinthians, sorry, chapter 4 of 2 Corinthians 4, verse 18. That's where I'm going. Dans 2 Corinthiens 5, verset 7, il dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. 2. Korinther 5, 7 lesen wir, denn wir wandeln im Glauben, nicht im Schauen. Und jetzt gehen wir zu 2. Korinther 4. 18. Et maintenant, on va lire 2 Corinthiens 4, verset 18. He said, why we look not at the things we shall see sicknesses and diseases. We see poverty. Wir sehen Armut, wir sehen Krankheit. Ah. Nos regards ne s'attachent point aux choses visibles. Mais toi, qu'est-ce que tu vois? Quelquefois, on voit la pauvreté, on voit les maladies. We see lack. Wir sehen den Mangel. On voit la manque. Amen. You see no money in your account. Du siehst kein Geld im Konto. Du siehst rote Zahlen. Yeah. Tu vois que tu as des dettes. Tu vois le moins dans, oui, dans ton compte. He said, where we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporary. Praise the Lord. That should help you to rejoice. He said they are temporary. The poverty is temporary. It is not come to stay. Es kommt schon zu bleiben. Donc il dit que car les choses visibles ne sont que pour un temps, les invisibles sont éternelles. Donc tu peux voir là tu vois que c'est toujours temporaire, c'est pour cela que tu ne dois pas t'effrayer à cause de ça. Amen. It is temporary, and it can be, you know, since the coming of Christ, since the payment, he paid off. Amen. Il a alles bezahlt. Amen. Donc depuis sa mort, quand il est venu se sacrifier pour nous ici, il a tout payé. You are no longer there. Wir sind nicht mehr dort. Nous sommes plus là dedans dans ces pauvretés. But the things which are not seen are eternal. Praise the Lord. Hallelujah. Remember what Jesus, when he sent the 70s again. Amen. Their joy was based on what they can see, what they could see. But Jesus said, rejoice because your joy should be about what you cannot see. Amen. What people cannot see. The same Paul is saying here. Amen. Das Unsichtbare ist ewiglich, genauso wie als Jesus die 70 losgeschickt hat. Na, sie sollten sich nicht freuen sollen über das, was zeitlich ist, was sichtbar ist, sondern über das, was unsichtbar ist und was ewiglich hält, nämlich dass ihr Name im Himmel geschrieben steht. Et c'est comme ça aussi qu'il a dit, il avait dit aussi au 72 de se réjouir aux choses éternelles, le fait que ton nom est écrit au royaume des cieux. Ça, c'est éternel, c'est ça, ça doit être ta joie et pas la chose visible, non, qui peut changer à chaque moment. No sicknesses and diseases in heaven. No depression in heaven. Keine Go to Revelation 12. Keine Krankheiten und solche im Himmel. Donc, keine Depression au Royaume des Cieux. Keine. Pas de dépression au Royaume des Cieux. Et pas de maladie au Royaume des Cieux. Revelation 12:12. Offenbarung 12:12. Actes des Apôtres. Apocalypse 12:12. Praise the Lord. Hallelujah. Yeah. Therefore, rejoice, you heavens. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And you that dwell in them, those of you that live there, you say your joy, you should rejoice. Freut euch. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et ceux qui demeurent dans le ciel. Parce que, et oui, il nous dit qu'on doit se réjouir. Amen. Amen. If we are dead, we are, you know, because there is no sadness there. Donc, on doit s'y réjouir là-bas parce qu'il n'y a pas de tristesse là-bas. C'est une joie éternelle. If you are out of there, the sadness will return. Wenn du aber raus aus dem Himmel bist, wird die Trauer zurückkehren. Mais si tu sors du royaume des cieux, tu vas voir que la tristesse ça. And if you see yourself sad, then you know what, you know the problem. You should know the problem. It means you return to heaven. Und wenn du dich selbst als traurig siehst, dann siehst du das Problem und musst erkennen, dass du zurück in den Himmel musst. Et si toi tu te vois toi-même, tu te rends compte que tu es triste, là ça doit t'aider à reconnaître que tu n'es pas dans le royaume des cieux. Ça doit t'aider à retourner dans ton royaume, là où tu appartiens. It's a woe to the inhabitants of the earth. and of the sea, and of for the devil is come down unto you, having great wrath, because he knoweth that he had better short time. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. In the kingdom of heaven, we must learn how to pray. Im Königreich des Himmels müssen wir lernen zu beten. Dans le royaume des cieux, on doit apprendre comment prier. Amen. Amen. Remember the disciples. Jesus' disciples. Exemple, they asked Jesus, teach us how to pray. And Jesus did not rebuke them. Because they are really to learn how to pray. Amen. Because of the different period. Die Jünger haben Jesus gefragt, wie man betet. Und es war eine richtige Frage, weil sie mussten wissen, wie man betet, wegen der Zeit, in der sie sich befunden haben. Donc, les disciples ont demandé à l'Éternel comment prier, parce que c'était important de considérer ce changement avec le Saint-Esprit pour savoir comment prier. How to pray in the period of the Father is different from how to pray in the period of the Son. And how they pray, or we pray in the kingdom of the Son, is different from how we pray in the period of the Holy Spirit. The period of the Son, the period of the Father, now the period of the Holy Spirit. All this, everything there, in those three places, are all different. Wie wir zur Zeit des Vaters gebetet haben, ist anders als wie wir zur Zeit des Sohnes beten. Wie wir zur Zeit des Sohnes beten, ist anders als wie wir zur Zeit des Heiligen Geistes beten. All diese drei Zeiten haben ihre eigene Art und Weise. Donc on peut voir qu'on a vu qu'on a trois périodes, le période du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et dans chaque période, il y a aussi aussi sa propre manière de prière. Donc la manière du prière dans le temps du Père est différente que celui dans le temps du Christ, du Fils. Et celui du Fils est aussi différent de celui du Saint-Esprit. On doit le savoir. Pray the old prayer. Das alte Gebet beten. Donc l'ancien prière. You are automatically under law. Quand tu pries dans l'ancien prière, tu es en train d'utiliser l'ancien prière, tu es dit automatiquement dans la loi. Praise the Lord. Amen. Pray that God heal me. Beten, dass Gott dich heilt. You are automatically under law. Du bist automatisch unter dem Gesetz. Donc si tu commences à prier, Père, guéris-moi, tu es automatiquement dans la loi. Pray that God bless me. Beten, dass Gott dich segne. It's automatic law. C'est automatique en Gesetz. Donc si tu dis l'Éternel bénis-moi, tu es automatiquement dans la loi. You have been healed. Tu wurdest geheilt. Parce que tu as déjà été. You are already blessed. Tu bist schon gesegnet. Tu es déjà béni. Amen. Amen. Pray the old. Pray like the old. So zu beten. The old, I'm coming, Shad. The old did not have authority over the devil. Die Menschen im alten Bündnis hatten keine Autorität über den Satan. Donc les gens dans l'ancien convenant, ils étaient un autre, ils n'avaient pas autorité sur la mort. Le diable. Sur le diable. You know, people say prayer is prayer. Prayer is not prayer. Aber Gebet ist eben nicht Gebet. Les gens disent toujours que ben, prière c'est prière, mais non, c'est pas le cas. Like people say love is love. Love is not love. Yeah, evil love. Liebe ist Liebe. Ils disent l'amour c'est l'amour. Non, c'est pas le cas. Amen. Liebe ist eben nicht Liebe. Es gibt eine teuflische Liebe. Donc il y a un amour qui est vraiment mauvais. People say good is good. Yeah, it's not good, it's not good. Oder it's not all good that are good. Nicht alles, was alles gut ist gut, nur Christus ist gut. Amen. Ils disent aussi que oui, le bien c'est seulement le bien. Non. Il n'y a pas chaque bien qui est bien parce que c'est seulement le Christ qui est bien. Again, the old did not have authority over the devil because the devil has not been defeated. Nochmal, das Alte hatte keine Autorität über den. Die Menschen, die im alten Bündnis gelebt haben, hatten keine Autorität über den Satan, weil der Satan da noch nicht besiegt worden ist. Donc, les gens qui ont vécu dans l'ancien dans l'ancienne alliance n'avaient pas de puissance sur le diable parce que le diable n'avait pas été vaincu avant. Amen. Amen. You know, you pray to be blessed, you pray to be healed because you know all this have not been solved. But now they have been solved. Da hat man gebetet, geheilt zu werden, gesegnet zu werden, geliebt zu sein. Weil das alles noch nicht der Fall war, aber jetzt ist das alles schon erlöst, gelöst worden durch sein Blut. Donc, en fait, avant, on priait d'être béni, d'avoir la grâce de l'Éternel, de faire ceci, de la guérison, parce que le diable était encore au pouvoir. Mais maintenant qu'il a déjà été défi, l'Éternel, il a déjà été vaincu et on doit plus prier comme ça parce qu'on a déjà, on possède déjà tout. Il nous a déjà donné tout à travers sa mort. As a son of God, I'm not talking about Christians. As a son of God, you don't pray to be blessed, to be healed, or to be saved. Mm. Because you are already saved. Mm. Because you are already healed. Because you are already blessed. Betest du nicht geheilt oder gesegnet, weil du bist schon geheilt und gesegnet durch Christus Jesus. Et si tu es un fils de Dieu, tu ne pries pas d'être béni ou bien d'être guéri parce que tu es déjà guéri. Tu es déjà béni parce que tu es maintenant dans un autre un autre régime en fait. Praise the Lord. Hallelujah. You thank him for his blessing. You thank him for his healing. You thank him for his salvation. Tu lui remercies parce qu'il t'a déjà béni. Donc, tu lui remercies pour ta guérison. Tu le remercies pour ta bénédiction et tout ça. Tu lui remercies. Tu es seulement reconnaissant parce qu'il a déjà tout accompli. We stop here, please. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen.